Crée des rituels sacrés et des habitudes conscientes. Intégrer la conscience du moment présent dans notre vie quotidienne nécessite une attention et une pratique consciente. En créant des rituels sacrés et en incorporant des habitudes de pleine conscience, nous invitons le moment présent à imprégner chaque aspect de notre existence. Qu'il s'agisse de commencer la journée par une pratique de méditation ou d'infuser la pleine conscience dans des tâches ordinaires comme faire la vaisselle, ces petits actes de présence deviennent de puissantes ancres dans notre voyage spirituel. Construire une communauté de soutien pour vivre le moment présent. S'entourer de personnes partageant les mêmes idées et qui apprécient l'importance de vivre le moment présent peut fournir un soutien et une inspiration inestimables. Construire une communauté d'esprits apparentés nous permet de partager nos expériences, d'apprendre les uns des autres et de nous tenir mutuellement responsables sur cette voie. En favorisant les liens avec ceux qui s'engagent également à vivre le moment présent, nous créons un réseau de soutien qui peut nous élever et nous soutenir dans nos efforts spirituels. Vivre dans le moment présent n'est pas seulement un concept spirituel, c'est également un mode de vie qui peut apporter une immense joie, paix et épanouissement. En comprenant l'essence de la présence, en abandonnant le passé et le futur, en cultivant la pleine conscience, en embrassant la permanence, en pratiquant la gratitude et en surmontant les défis, nous pouvons intégrer la conscience du moment présent dans notre vie spirituelle quotidienne. Alors que nous entamons ce voyage transformateur, souvenons-nous que la vraie spiritualité consiste à embrasser pleinement l'ici et maintenant, où des connexions profondes et une croissance intérieure nous attendent. Alors, respirez profondément, ancrez-vous dans le présent et savourez chaque instant comme un cadeau sacré. FAQ 1. Que signifie vivre le moment présent? Vivre dans le moment présent signifie diriger consciemment votre attention et votre conscience vers l'ici et maintenant, plutôt que de vous attarder sur le passé ou de vous inquiéter de l'avenir. Cela implique d'être pleinement engagé dans votre expérience actuelle, d'embrasser le présent avec acceptation et pleine conscience. 2. Comment vivre le moment présent peut-il améliorer ma pratique spirituelle? Vivre dans le moment présent peut grandement améliorer votre pratique spirituelle en favorisant un sentiment plus profond de connexion, de pleine conscience et de paix intérieure. Il vous permet de vivre pleinement la richesse de la vie, de vous connecter à votre essence spirituelle et de cultiver une relation harmonieuse avec vous-même, les autres et le divin. 3. Est-ce que n'importe qui peut apprendre à vivre dans le moment présent? Oui, absolument. Vivre le moment présent est une pratique accessible à tous. Cela peut exiger de la patience, du dévouement et des efforts constants, mais avec le temps, n'importe qui peut développer la capacité de cultiver la conscience du moment présent et de l'intégrer dans son cheminement spirituel. 4. Quelles sont quelques techniques pratiques pour vivre le moment présent? Il existe différentes techniques que vous pouvez intégrer dans votre vie quotidienne pour cultiver la conscience du moment présent. La méditation de pleine conscience, les exercices de respiration consciente, la journalisation et la pratique de la gratitude ne sont que quelques exemples. Expérimentez différentes techniques et trouvez ce qui résonne en vous personnellement. Page 2, nous allons voir comment éviter la négativité. Page 2.